Je représente ceux qui n'ont pas de force. Ce mec qui pleure seul dans le noir dans sa chambre. Comment avancer avec des poils dans la jambe quand tu peux que pister par monsieur Razan. Au quartier, chacun sa réputation. Arrête de s'entourer tout seul à son. Quand tu fais des haches qui ont pas de force, puis un taf de tu peux devenir une passion. Ça hein? M'en fout que ça me chope. Alors tu sautes que ça me chope. Qu'est-ce que je boule, hein? Je suis en fumée de grave, grave, gorge sèche, faut que je boive un coup, hein? Je parle t'es que spectateur, leur blabla, moi ils me font pas peur. Je veux dire plein de choses qui me tiennent à cœur. Représenter voleur et braqueur, conducteur, est-ce que la faute de la manger? Peu importe le délit qu'on commet, tant que c'est pour faire manger la mime, tant que c'est pas pour tout consommer. Sûr de voir un avenir sans sou, c'est à les flics nous rendent fous, un fou. S'il y aurait moins d'indic, y aurait moins de frire, on prend garde à vue. Que ça me fout, que ça me chope, alors je suis sûr que ça me chope. Vas-y, prends-en de la graine. Malheureuse est la vie que je mène. J'suis content quand je vois ma team qui font tous le team quand je suis sur scène. Viens pas me tester dans mon domaine. J'squatte le studio toute la semaine. Mon équipe est là, c'est folle, te traîne. J'fume le pet, c'est trop de la crème. Tu me déranges, crois pas que j'me gêne. Quand tu viens, j'en les faire sourire. J'aime les voir s'évader sur mes sons. Je les appelle les sangs de la veine. Que ça rend fou, que ça me chope. Alors tu sautes, que ça me chope. Je pense que ça me chope. Ils font des trous, que ça me chope. C'est le sang, on fait la top. C'est trop facile que ça me chope. C'est pour ma ville, on fait la top. Je fais mes sous, je pas ton pote. Ça lance des pieds, que ça me chope. Je suis fatigué, que ça me chope. Que ça rend fou, que ça me chope. Alors je suis sourd, que ça me chope. Faut que je sorte mes sous, que ça me chope. Ils font des trous, que ça me chope. C'est le sang, on fait la top. Et reste tranquille, je suis pas ton pote.